casse personne. Système D. Aïe. Aucun bon sens de l'autocritique, c'est mon meilleur sauce. J'ai pas qu'on me colle une étiquette, ni qu'on me zigue ou y'a coup de bastos. Je m'en branle du move, si je dis ça, c'est que j'ai croisé des tas de gens qui font des pailles bizarres. Eh hey, ma gueule, la rue c'est pas Ibiza. Je te dis que la jet set ne paye pas, non, c'est toi qui paye la jet set. Je veux du fric, mais le rap, c'est pas le Far West. Et les clients vont à la Fnac comme ils vont aux putes. Aster C, Skyrock, me calcule même pas. Mais qui suis-je comme Safio? Personne, donc je m'en bats les couilles. Puisque le temps m'a fait comprendre que mon flow n'aura jamais de fichier aux impôts. Alors écoute, d'un coup, je m'avoue pas vaincu. J'ai pas de passe, mais si j'ai une occasion, et ben je leur fous dans le cul. C'est clair, ma gueule, j'ai trop connu le salaire du lance. Pierre, pour que j'aille danser la tectonique. Encore une fois, ma couille, je m'en branle du move. Qui veut savoir pourquoi, eux aussi s'en branlent de moi. C'est normal, mon pote, c'est la vie. Même ton meilleur ami, car c'est bénéf pour sa gueule. La vérité, c'est que je suis pas venu vous faire plaise. Ceux qui comprennent son fair play, les autres qu'ils aillent se faire baise. Je représente les gens que je dois représenter. Levez pas la main, appréciez et faites pas chier. D'avoir un bac et je crache une saleté de rap. Pas de featuring, s'il y a pas de feeling, lâche-moi la grappe. Merde, je vais trop à gauche, à droite. Cerveau endommagé par ce truc gras qui colle mes doigts. T'as rien entendu, non? Parce que le début, mes discrets plus. Blaire verdure, perverti, peu de vertu, merde. Vision sombre. Crai monte un maison, j'ai nom des ondes de mes songes. Si si je suis un parasite, c'est du morse. N'essaie pas de décrypter sans scrap défiguré. Petit comique, oublie la polémique. 9-4-ZZ, VDF, banlieue est là où l'esprit est vandal. Crasse les jambes cratées. J'optimise le verre, mais de la réverbe. Je pose un shot à la tête, c'est fait une casse dans les hippos. Chut, en silence. Tranquillement, ils sont du ciment où les sentiments se consument comme les vêtements. Asiat, paparazzi, les clichés à bord de compte. C'est gros les sarcos en couverture de voici. Marie-Trône, mur à moitié sur la mesure, j'ai de l'amertume. Envers les racistes, fascistes, nazis, nazis, FN. J'suis sur liste rouge, aucune bande FM et leur move de merde m'a fait débander, c'est louche. Aucune consigne, c'est du style libre. Un flic ferait moins de bonhomme sans son flingue et son bling bling. Corso, alias personne. SRI, quartier rouge, engrenage musique, système D. Corso, alias personne. Un micro, un stylo big, un tempo, une boucle, un bloc-notes. Un pack de binous, un blocos, je pose one shot. Est-ce qu'un présent s'intre, un dansant donne ça à l'instinct? Mauvaise attitude, comme d'habitude, un micro. Un stylo big, un tempo, une boucle, un bloc-notes. Un pack de binous, un blocos, je pose one shot. Est-ce qu'un présent s'intre, un dansant donne ça à l'instinct? Mauvaise attitude, comme d'habitude.